Bapa datagaka bepe de tuguku bipi sigiki bopo de togoko bepu du tuguku. Ba bebi bopu. Mata me te miti moto me tu. Mata ma me te me miti mi moto mo me tu mu. Hop, je vais aller mettre un petit chouchou avant de commencer. Sinon, ça va pas être pratique. Hop, hop. Voilà, tout ça là. Comme ça normalement ça devrait être bon. Bonjour tout le monde! Nous voici donc réunis pour ce premier épisode autour d'un sujet épineux mais crucial, la bouffe. Je suis actuellement dans ma cuisine prête à préparer de délicieux cookies, tout en discutant avec vous, parce que oui mes cookies sont excellents, ok? Ok? Ok? Mmh. Au loin là, je sais pas si vous entendez, il y a les oiseaux qui sont dans la cour juste en face de ma fenêtre de cuisine. Bon, je vais la fermer parce qu'il y a un peu de mistral aujourd'hui. Ouais, il y a pas mal de vent. Mmh, ça sent bon. Récemment, j'ai acheté une petite menthe et un petit basilic à mettre sur mon balcon. Ça sent, si vous saviez. J'aimerais bien que vous puissiez sentir. Bon, on reprend. Avant de commencer, je vous demande de vous détendre. Prenez le temps de vous asseoir, respirez. Et prenez conscience de l'instant présent. Je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant que vous êtes plus détendu, on peut commencer. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, je vais parler de la bouffe. La nourriture tient une grande place dans nos vies. Bon, d'abord parce que c'est un apport essentiel à notre survie, hein. Oui, parce que si tu ne manges pas, tu meurs. Merci Captain Obvious. Mais aussi à cause des souvenirs qu'on associe à la nourriture. Ah, les petits gâteaux de tati, la tartiflette de papou, le premier gâteau au chocolat avec maman. Cependant, la nourriture peut aussi devenir notre pire ennemi. Troubles du comportement alimentaire, obésité, anorexie. Nombre de pathologies sont liées à notre alimentation. Moi-même, je me bats encore au quotidien contre mes pulsions de boulimie. Donc que vous soyez dans ce même cas ou non, nous allons aujourd'hui tenter d'apaiser notre rapport à la nourriture et à l'alimentation. Bon, hop, entre deux, j'ai vidé mon plat à cookies, parce que je suis en train de faire ma recette fétiche de cookies vegan au chocolat et au thym. Parce que oui, c'est très très bon. En fait, c'est un jour par hasard, ça m'est arrivé de comment mettre du thym, faire tomber du thym dans ma préparation à cookies. Et en fait, c'est super bon. Ça fait un peu comme le goût d'un after eight, mais sans être un after eight. Enfin, c'est genre le niveau supérieur de. Ouais, c'est entre un cookie, de l'after eight, on dirait de la menthe, mais c'est pas un truc à la menthe. Enfin, bref, si comme moi, votre glace préférée, c'est les extrêmes menthe chocolat, d'accord, et que vous aimez les trucs un peu croquants, croustillants, etc., et que vous avez rien contre le thym, vraiment, essayez. C'est... Bon, moi, j'adore. Quand j'étais petite, je faisais plein de conneries du genre faire tomber des choses comme ça et dans des plats... Bah, de toute façon, j'ai toujours aimé cuisiner et manger, ça a toujours été pour moi un grand bonheur, entre guillemets. Mais j'ai toujours aimé la nourriture et les moments du repas, quoi. Parce que c'est le moment où la famille se réunit autour de la table, on rigole, on discute. C'est un moment de communion, de partage, quoi. C'est unique dans notre vie. Puis surtout parce que, j'adore cuisiner parce que en cuisine, les possibilités sont infinies et puis il y a forcément une recette pour chaque personne. Bref, la cuisine c'est quelque chose de très important pour moi et donc pour vous aussi j'imagine. Donc comme je vous le disais, j'ai toujours adoré la nourriture, la cuisine, mais seulement avec l'adolescence, les problèmes sont arrivés. Et notamment de nombreux complexes par rapport à mon poids. J'étais pas en surpoids, hein. J'étais un peu rondelette quoi. Mais malgré tout, j'ai décidé de surveiller un peu plus mon alimentation pour perdre quelques kilos. Bon, des grandes périodes d'instabilité alimentaire ont suivi. avec des régimes qui me frustraient, suivi de crises de boulimie. Bon, j'étais vraiment super mal parce que je prenais même plus plaisir à cuisiner. Enfin, je comptais chaque calorie, de tous les apports énergétiques de chaque mets. Quand je regarde en arrière, je me suis vraiment gâché la vie à cause de ça. Et si vous êtes dans le même cas, pas de panique. Avec un peu de temps et de volonté, vous allez arriver à vous en sortir. La première chose qu'il faut que vous fassiez, à mon sens, c'est devenir indulgent envers vous-même. Mais indulgent de la bonne manière. Faut arrêter de culpabiliser parce que vous avez mangé un cookie, hein. Par contre, vous trouviez la volonté de changer toute cette culpabilité en force qui vous permet de vous retenir lorsque vous sentez vos crises arriver. Et d'ailleurs, cette force va vous servir à prévoir ces crises pour que cette fois soit la dernière. Bon, personnellement, j'ai tout lâché d'un coup. En pleine période d'examen, je me suis dit, allez, vas-y, mon gros, tu peux manger tout ce que tu veux. Arrête de culpabiliser à la cause de l'alimentation, ton alimentation de personne dépravée. De toute façon, ta vie est en train de partir à volo. Tu n'auras pas tes examens parce que tu es nul. Enfin, bref. Je me suis dit, balèque de tout. Donc, vraiment, je me suis laissé carte blanche vis-à-vis de mon alimentation. Vu que j'étais déjà assez à bout physiquement et mentalement, j'allais pas en plus de me soucier de ce que je mangeais. Eh ben, vous allez pas me croire, mais il se passe un truc de fou quand on lâche prise. Au début, on mange vraiment n'importe quoi, hein. Et puis, au bout d'un temps, on n'a plus envie de tous ces trucs sucrés, des biscuits, etc. Vous savez, j'ai entendu parler des écoles privées où les enfants ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, notamment de pas assister aux cours s'ils le souhaitent. Et ben, au bout de quelques jours, ils viennent tous en classe d'eux-mêmes. Parce qu'ils s'ennuient. Bah là, c'est un peu pareil. Dans mon cas, ça a marché, bon, du moins pour un temps. Parce que j'avais plus envie de gaufres au miel. Oui, c'est mes biscuits préférés, les gaufres au miel et à la farine d'épeautre. Si vous n'avez jamais essayé, vraiment, c'est délicieux. Donc, j'avais plus envie de gaufres au miel, mais de fruits. Et dans mon cas, ça tient vraiment du miracle. Puisque quand j'étais au collège, ma meilleure amie me forçait à manger des fruits. Elle prenait tout ce qu'il y avait d'autre sur mon plateau jusqu'à ce que je mange mon fruit. Enfin bref. Bon, passé cette période où j'avais plus envie de trucs sucrés et tout ça, bah les crises et les envies ont pointé le bout de leur nez, quoi. Ils n'allaient pas me laisser tranquille comme ça. Parce que j'avais été sympa pendant un moment, que j'avais fait tout ce que je voulais. Mais comme je savais pertinemment que ça allait revenir, je me suis préparée comme il se doit. J'ai enfilé mes rangers sur une musique des films badass et je me suis préparée. En fait, j'ai réalisé que lors de ces crises, j'étais plus totalement consciente de mes actes, puisque j'adoptais un comportement qui, en temps normal, m'aurait semblé répréhensible. J'ai donc trouvé un moyen de me ramener à la réalité, entre guillemets, chaque fois que j'entrais dans un état de crise. Bon, en gros, pour faire simple, j'ai écrit des mots et fait des croix. Sur mon frigo, j'affichais une feuille sur laquelle est écrit What would Mary Poppins do? Avant de vous expliquer le pourquoi du comment de cette phrase, je me débats dans le façonnage de mes cookies. Hop, je vais mettre ces petits, voilà, au four pendant 5 petites minutes. Oui, mon four cuit très vite, c'est affolant. Même pas besoin de préchauffer et tout, vraiment. C'était un achat utile pour une fois, j'ai envie de dire. Voilà. Ça sent déjà bon dans ma cuisine. Ça sent le chocolat, le cookie, c'est. L'odeur du cookie bien cuit, c'est merveilleux. D'ailleurs, pour la cuisson de vos cookies, petit tips. Peu importe le temps de cuisson que vous mettez, le tout c'est l'odeur en fait. Dès que vous commencez à sentir l'odeur de. Enfin, l'odeur de cookie, je peux pas dire autrement. L'odeur de cookie cuit. L'odeur de cookie cuit. cookie cuit. C'est difficile à dire. L'odeur de cookie cuit, donc enlevez-les tout de suite de votre four et regardez en dessous s'ils ont commencé à dorer. Si c'est le cas et s'ils sont dorés sur tout le dessous, enlevez-les du four parce qu'ils sont cuits. Même si sur le dessus ils sont pas tout à fait dorés, machin, patin, enfin, non. Après, ils vont être brûlés et ce n'est pas ce que vous voulez, enfin, j'imagine. Donc voilà, suivez mon astuce si vous voulez cuire vos cookies comme un roi ou une reine. Donc revenons à ma petite histoire. Pourquoi cette phrase What will Mary Poppins do? En fait, petite, j'adorais ce dessin animé. Qui soit dit en passant, et le film dessin animé, on sait pas trop quoi, préféré de ma mère. Bref, toujours est-il que j'ai toujours admiré la classe et la beauté de cette femme, presque parfaite en tout point, qu'incarnait Julia Andrews. Alors, quand j'ai cherché un modèle de femme inspirante auquel penser en cas de crise, j'ai immédiatement pensé à elle. Une femme forte, indépendante, juste, féministe et féminine. Bref, le genre d'individu qui ne dévore pas de sandwich salade moutarde à 3h du matin. La question de mon frigo était donc réglée, puisqu'à chaque fois que je regarde ce petit mot, je pense à mon enfance, à Mary Poppins, à ma mère. Je souris. Et du coup, je laisse la porte du frigo fermée. Pour ce qui est du placard à biscuits, on va pas se mentir, j'ai un peu plus galéré. Après moult tentatives absolument désastreuses, j'ai fini par trouver la solution. Ta ta ta ta. Chaque semaine, j'affiche des énigmes sur la porte de mon placard à biscuits. J'en trouve sur internet ou tout simplement j'en demande autour de moi. Comme je suis d'une nature très curieuse et extrêmement déterminée, je sais que ne pas réussir à trouver tout de suite la réponse de l'énigme va me forcer à réfléchir et donc me ramener à la réalité. Bon, je laisse dans ce cas-là la solution à mes amis. Comme ça, quand je pense avoir trouvé, je leur demande pour ne pas me spoiler la solution au cas où j'échouerai. Ce qui me permet aussi de communiquer avec l'extérieur, donc de me ramener à la réalité, donc d'éviter une crise. Et ça fait 4 donc dans la même phrase. Oui ! Et le prix Nobel de la syntaxe est attribué à Mademoiselle Gwen. Oh merci, merci, merci, fallait pas. Merci, merci, vraiment, fallait pas. Je remercie tous mes profs de français qui ont toujours été là pour... Voilà, je remercie mes parents qui un jour m'ont donné un crayon pour écrire. Voilà, c'est trop d'émotions. Bon, bref, c'est bon. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais quand même pas vous spoiler mon discours de quand j'aurai mon prix Nobel. J'en trop bon, c'est cookie. Bon, j'arrête. Nickel chrome. Ils sont trop bons. Super bien cuits, j'ai juste bien dosé le teint. On le sent un peu, mais pas trop. Et le chocolat prend pas non plus totalement le dessus. Ils sont croustillants à souhait. Oh, c'est une tuerie. Donc bref, j'espère que toutes ces petites astuces vous serviront. Si vous avez aussi un... Si vous aussi vous connaissez des crises de boulimie. Et pour terminer, je vais vous donner quelques petits tips pour finir d'apaiser votre rapport à la nourriture et en finir là maintenant, tout de suite, totalement, avec toute cette culpabilité. Même quand vous allez à un mariage, bon ça tombe bien, c'est la saison, que vous mangez comme un ogre et qu'après vous avez l'impression d'avoir pris 20 kilos en 3 jours. Première astuce, réalisez la chance que vous avez de manger à votre faim. Selon l'UNICEF, la sous-nutrition provoque chaque année la mort de 3 à 5 millions d'enfants en Afrique subsaharienne et en Asie. Et selon Le Monde, en 2017, 2 milliards de personnes souffraient de carences en micronutriments essentiels comme le fer, la vitamine, et 815 millions de personnes se couchaient le ventre vide. Un chiffre qui, selon leurs statistiques, ne cesse de croître depuis 2015. Alors bordel, profitez de la chance que vous avez de pouvoir manger à votre faim. Bon, ce serait super hypocrite de vous dire « Vous devez apprécier chaque repas pour ceux qui ont faim. » Bon, parce que clairement, ce que je veux, c'est que vous réalisiez simplement que chaque repas est une chance que vous devez savourer, comme vous devez apprécier chaque seconde de votre vie. Pendant que je retiens un ro, apprécie ta seconde de vie, là. Voilà. Enfin, si vous voulez vraiment agir contre la malnutrition au quotidien, je vous conseille de vous rapprocher d'associations humanitaires comme la Croix-Rouge qui font des maraudes ou les Restos du Cœur qui organisent des distributions de nourriture. Vous pouvez aussi organiser une collecte pour votre anniversaire via Facebook, au profit de l'UNICEF ou d'Action contre la faim. Deuxième astuce, finissez-en avec la grossophobie. J'en reviens à ce que je vous ai dit plus tôt. Pour transformer votre rapport à la nourriture, il faut que vous deveniez plus indulgent envers vous-même. Bon, comme vous êtes des gens de bien, j'en suis certaine, vous n'êtes pas grossophobe. Vous n'iriez pas insulter un jeune homme dans la rue parce qu'il met du 46. Et pourtant, vous vous auto-shamez dès que vous apercevez le moindre petit bourrelet dans le miroir. Nut ! Alerte non-sens, alerte non-sens, je répète, alerte non-sens. Et après, vous vous étonnez de ne pas vous sentir bien dans votre peau alors que vous adoptez envers vous-même une attitude résolument contraire à vos convictions. Enfin, sachez une chose, une des clés du bonheur, c'est la cohérence entre votre moi intérieur et votre moi extérieur. Et c'est souvent un décalage entre ces deux moi qui amène au dégoût de soi-même. Donc la prochaine fois que vous vous flagellerez pour un gâteau, pensez à vous. Faites un geste pour votre propre bonheur et écartez la solution de facilité qui consisterait à rester dans l'autoflagellation. Bref, choisissez de vous battre allègrement les parties génitales de ce petit problème anodin qui vous gâche pourtant la vie. Donc pour conclure, à moins d'être en danger de mort, arrêtez là, là, là, maintenant, tout de suite, de vous prendre la tête pour ces trois bourrelets. D'ailleurs, un petit point avant la conclusion, j'ai exclusivement parlé des cas de boulimie, puisque mon expérience personnelle ne me permet pas de vous parler d'autres troubles du comportement alimentaire. Mais sachez qu'il existe diverses formes de troubles liés à l'alimentation, les plus connues étant la boulimie et l'anorexie. J'ai choisi d'évoquer la boulimie comme simple trouble et non comme une maladie, car encore une fois, je ne pouvais me permettre de vous informer sur un sujet que je ne maîtrisais pas totalement. Enfin, si vous tentez de soutenir une personne de votre entourage qui fait face à ces troubles, faites preuve d'indulgence, vous aussi. La seule manière de se sortir de ces troubles est de faire preuve de courage, de se sortir les doigts du cul et de reprendre confiance en soi. Dans mon cas, c'est ma mère qui a fait preuve d'un soutien sans faille à mon égard et qui a su me bouger quand il le fallait, tout en restant bienveillante. Donc dès que vous essayez de vous sortir de la boulimie ou que vous aidez quelqu'un à le faire, partez du principe que la guérison prendra du temps, qu'il y aura des rechutes. Et acceptez d'avance ces contrariétés car elles vous permettront d'apprécier votre réussite avec plus d'éclat encore. Écoute le craquement du cookie avant qu'on finisse. C'est tellement ASMR. Bon ben voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que j'aurai réussi en peu de temps à vous faire un petit peu de bien et que désormais vous choisirez de vous battre au quotidien pour votre bonheur et votre équilibre intérieur plutôt que de sombrer là dans l'autoflagellation pour un cookie afin de vous éviter de penser à vos vrais problèmes. Ce qui me permet d'introduire tout en finesse le sujet de la semaine prochaine qui sera la procrastination. Ou comment tout remettre à demain parce que j'ai peur d'affronter mes problèmes. Allez, bye. C'est trop bon.